Faites chauffer les consoles, démarrez les ordinateurs, Indy 500, c'est parti. Sven Mestaz, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah plutôt bien. Mieux qu'il y a 3 jours, là, où on était dans le dur, mais maintenant c'est mieux, ouais. Oui, puisque c'était la sortie du jeu Los Pingueros. On parle aujourd'hui donc de Los Pingueros, un jeu développé par Hectic, édité par Hectic, et ça coûte 9,75€, et toi tu es le cofondateur de ce studio et le lead designer du jeu Los Pingueros. Tout est oui, bon ? Oui, absolument. Tout est bon. Parfait, parfait. Alors avant de commencer nos traditionnels virages, je te laisse te présenter un petit peu à nos auditeurs et à nos auditrices pour qu'ils apprennent à te connaître un petit peu mieux. Donc moi c'est Sven, ça fait une vingtaine d'années que je suis dev, je suis passé par beaucoup de postes, hein. J'ai été artiste, j'ai été développeur, programmeur, je suis designer depuis pas mal d'années et Los Pingueros donc, est sorti il y a 4 jours, je crois, 3-4 jours, j'ai un peu perdu la notion du temps. Et moi, j'ai officié sur ce jeu en tant que directeur artistique et designer principalement, mais tout un tas de choses parce que Hectic, c'est un tout petit studio qu'on a monté il y a 2 ans maintenant pour faire ce jeu-là. Voilà. Et on aura l'occasion d'y revenir, bien sûr, sur Hectic et bien sûr sur le jeu. Mais avant ça, les traditionnels virages de l'émission qui vont permettre de te connaître un petit peu plus en tant que joueur avec ton premier coup de cœur. Lequel est-il, Sven ? Alors, franchement, ça remonte à loin. C'est-à-dire que moi, je joue depuis 35 ans et donc j'ai un peu du mal à dissocier certaines périodes. Je pense que ça se joue entre Mega Man 3 et Mario 3. Peut-être Mario 1, mais peut-être Mario 3. Les deux étant sur NES. Donc là, on est dans les années 89, peut-être 8, 10, je ne sais plus trop. Voilà. Ça doit jouer entre ces deux-là, ouais. Pourquoi Mega Man 3 ? Parce que c'est le premier que j'ai eu et au-delà du fait que c'était incroyablement difficile pour un gamin de 7 ans, il y avait, je pense qu'il y avait ce côté un peu open, c'est-à-dire choix de la mission. Tu sais, dans Megaman, tu choisissais les boss que tu allais affronter et donc ils étaient représentatifs évidemment du boss mais aussi du niveau et de l'arme que tu allais acquérir une fois que tu les aurais défaits pour enchaîner sur les autres niveaux. Et il y avait quelque chose qui permettait un petit peu de pas toujours démarrer de manière linéaire, contrairement à tous les autres jeux où tu devais recommencer depuis le début. Donc là, une fois que tu te faisais cartonner toutes tes vies, tu avais quand même la possibilité de jouer un petit peu différemment. Et c'était quand même assez cool. Est-ce que c'est un Megaman le meilleur jeu auquel tu as joué ? Non, je pense pas, non. Je pense pas que le meilleur jeu auquel j'ai joué soit un Megaman, non. Alors lequel serait-il ? Donc, franchement... Allez, je vais au moins t'en donner deux parce que je différencie quand même pas mal le multi du solo. Intéressant. Ouais. Je trouve que c'est vraiment des expériences qui sont différenciables. Je pense que même là, c'est très très dur. Hein, mais je pense qu'en multi, je pense que Mario Kart Double Dash reste pour moi le top de l'expérience multi. Incroyable. Ouais. Et en solo, c'est vraiment très dur, mais. J'en ai eu plein. Je pense que ça se joue entre Mario 64 et Ocarina of Time et peut-être Final Fantasy 7. Quoi. Ça se joue dans ces années-là et sur cette compète-là. Heureusement, depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup de bonnes choses aussi. Mm-hmm. Mais bon, si tu veux, il n'y a qu'une fois dans ma vie où j'aurai 15 ans. Donc c'est forcément lié aussi à cette période, à ces découvertes, etc. Pourtant, Mario Kart Double Dash est quand même beaucoup plus tardif. Hein, Ouais. Mais je pense que pour moi, c'est la quintessence de la formule. Je trouve qu'ils n'ont pas réussi à faire mieux depuis. Ok. Mais c'est mon point de vue. Je le partage. Personnellement, je pense que c'est le meilleur Mario Kart existant. Parce qu'il y a une espèce de. C'est un jeu unique, quoi. Quand tu joues à Mario Kart Double Dash, tu joues à Double Dash. Tu joues pas à un autre Mario Kart. Non, il est très technique. Il est plus technique que les autres. Je pense que la Wii est venue ramener quelque chose de une ligne éditoriale hein, de chez Nintendo qui était beaucoup plus casual. Ça part de la manette et donc dans les produits aussi qui s'y en inspirent. Là, ils ont fait passer le nombre de joueurs à 12, par exemple, ce qui fait que c'est devenu beaucoup plus explosif. Ce qui fait que la technique a eu les skills hein, de conduite et de connaissance des circuits ont eu moins d'importance. qui moi m'a déplu un petit peu. Donc voilà, il y avait. Puis après le 8, je trouve que c'est un équilibre correct. J'ai quand même pas mal joué. Mais je pense que ouais, pour moi, le double dash reste le top niveau. Ok. Le moment qui a défini ta volonté de travailler dans le jeu vidéo, puisque c'est une passion qui te suit depuis les années 80. C'est trop vague. Je pense que c'est trop vague dans mes souvenirs. Je pense que ça doit jouer sur Final Fantasy VII où je me suis dit. Non, je pense même que c'était avant, mais ça doit être ces eaux-là, pareil, tu vois. Je vais dire quand je suis au collège, quoi. Ok. Où je me suis dit, en fait, j'ai pas juste envie d'y jouer, j'ai un peu envie d'en faire, quoi. Quand même. C'est-à-dire que j'ai envie de comprendre comment ça marche. Ça, c'est la première chose. Et après, j'ai envie d'en faire moi-même. Ouais. Et on va terminer par le jeu qui t'inspire le plus en tant que développeur. Je garde la carte Mario Kart lorsqu'on parlera de Los Pingueros. Mais est-ce qu'il y a d'autres jeux qui t'inspirent Il y a plein de jeux. Je pense qu'il y a plein de jeux qui m'inspirent. Malheureusement, j'ai moins le temps de jouer, évidemment, qu'à l'époque. Mais c'est plus que des jeux, c'est plus des formes de ressenti, si tu veux, qui peuvent être communes à plusieurs jeux. Je pense qu'un des... Le dernier excellent jeu, le dernier chef-d'œuvre auquel j'ai joué, je pense que c'est Outer Wilds. Et je pense que c'est un jeu qui m'inspire beaucoup en ce moment, quand je pense à des concepts, etc. Il y a des jeux qui m'inspirent pour leur excellence et la complexité un petit peu de leur univers. Enfin, pas vraiment de leur univers, mais plutôt de leur world design, je pense à Hollow Knight. Je pense que c'est un jeu qui est vraiment très, très, très bon là-dedans. Mm-hmm. Et tu vois, là, j'avais joué à Armored Core, qui était phénoménal en termes d'action, je trouve. Le dernier, Fire Emblem Beacon. Ouais, ouais. Il y a des boss monstrueux. Et je trouve qu'en termes d'action, il n'y a pas tant de jeux que ça qui savent t'en mettre autant plein la gueule. Enfin voilà, donc c'est vraiment très différent et voilà, il y a quelque part l'inspiration elle est partout, elle est surtout pas que dans les jeux en fait. Dans les jeux, on va surtout choper les émotions qu'ils transmettent et les mécaniques, donc un peu vraiment les structures fondamentales du médium, tu vois. Mais après ça va sur d'autres choses. On referme ces virages pour parler un petit peu plus d'Ectic, mais avant de parler d'Ectic, j'ai envie de revenir sur tes précédentes expériences, Sven, parce que tu as fait beaucoup de choses. Comme tu l'as dit, tu es quelqu'un qui travaille dans l'industrie depuis beaucoup de temps. Tu as eu l'occasion de travailler notamment dans les années 2010 du côté de Nine Dots Studio et aussi d'Asobo. Je vais retenir ces deux-là parce que c'est pour moi les deux plus récentes et peut-être pour moi les deux plus importantes. On va parler tout d'abord de Nine Dots où tu travaillais sur Outward. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'Outward ? Moi, c'est un jeu que j'ai découvert. Et quel était ton rôle sur ce jeu? Alors Outward c'est à la base c'est un peu la promesse de faire un Dark Souls en monde ouvert jouable en coop. C'est Elden Ring ou avant l'heure quoi. C'est ça, c'est-à-dire que Elden Ring arrive bien après et de manière beaucoup plus léchée, beaucoup plus de moyens, etc. Mais l'idée derrière Outward, selon son créateur, hein, parce que moi j'ai été designer dessus, l'idée vient pas de moi à la base. C'est un peu cette promesse-là, c'est un mélange entre Skyrim et Dark Souls, comment lui il le pitchait, si tu veux, avec les moyens du bord, c'est-à-dire une équipe de 10. Hein. Ouais. C'est un peu ça. C'est un jeu qui était très bien vendu, qui avait beaucoup de bonnes qualités, qui avait quand même quelques défauts aussi, et qui a fait million seller et dont on a annoncé le 2 récemment. C'est-à-dire que Nine Dots est en train de travailler sur le 2. Ah, mais voilà. Ça je savais pas. Mais vraiment, je connaissais pas du tout cette licence. Et toi, du coup, sur quoi donc tu travaillais? Visiblement, tu travaillais sur beaucoup de choses, notamment du level design, la conception de système et d'autres alors, particularités. Alors ouais, j'ai travaillé sur, j'ai fait du game design et du level design sur Outward. Et donc du level design, ça consistait à travailler un peu sur la géographie des régions, des donjons aussi, tout le LD des donjons, toutes les briques que tu implémentes dans ces donjons avec les artistes, c'est-à-dire bon, de quoi tu as besoin pour assembler ces donjons. Donc ça, c'est vraiment le côté LD. Tout ce qui va être la région, comment est-ce que tu découpes ta région, où est-ce que tu places tes villes, comment est-ce que quand tu rentres dans une ville, tu fais une vista, parce que c'est vrai que j'ai aussi designé les villes. Donc voilà, il y a eu toute cette partie-là. Il y a eu, je travaillais sur quelques quests, mais après, Nine Dots a embauché un quest designer, donc ça a été vraiment très, très bref. Je travaillais sur beaucoup de systèmes. Le système de crafting, le système de sleep. Où est-ce qu'on pouvait planter sa tente, comment est-ce qu'on la plantait, qu'est-ce que ça impliquait, etc. tout ce qui va être les comportements ennemis, le design de tous les comportements ennemis, les hyènes qui se battent en horde, où est-ce qu'on met tel type d'ennemi, dans le comment est-ce qu'on a cette progression au sein des régions et au sein du jeu, avec les différents encounters, tout ce qui a été drop table, donc qui est lié au crafting, okay. Donc tout ce qui a été aussi je sais plus, mais il y en a une autre. Oui, les défis de scénario, parce que je sais pas si tu vois, mais dans Outward, t'as une feature assez sympa qui, en fait, tu meurs jamais vraiment. C'est-à-dire que quand tu meurs, c'est un jeu qui est très dur, hein, quand même, qui est vraiment pour les hardcore, qui est très sec, quoi. Et quand tu meurs, en fait, tu recommences pas au début ou à un feu de camp. Quand tu meurs, ça va déclencher une mini histoire qui fait qu'en fait, bah, soit tu vas te réveiller au village, mais en fait, t'as une dette parce que y a quelqu'un qui t'a sauvé. Si tu t'étais fait tuer par des hyènes, en fait, bah, tu te réveillais dans leur tanière. Si tu t'étais fait tuer par tel ou tel ennemi, ça pouvait occasionner un certain type de dégâts quand tu te réveillais. Tu pouvais te réveiller au village en étant soigné, mais tu avais une dette vis-à-vis de la personne qui t'avait ramené. Tu pouvais te réveiller avec tes affaires, enfin ton loot, ou alors sans ton loot, il fallait aller le chercher dans la plaine, etc., etc. Ça pouvait déclencher différentes quêtes. Enfin, il y avait tout un système d'embranchement qui était lié à ça, qui était très sympa. Donc j'avais pas mal travaillé là-dessus aussi. Ce qui t'amène à travailler par la suite à Bordeaux sur A Plague Tale Innocence, à quoi t'a servi cette expérience d'Outward pour A Plague Tale? Parce qu'on se retrouve sur de la conception de diverses features, de boss aussi, peut-être de niveaux également. Alors, pas de niveau, mais des boss, et ouais, principalement des boss, ouais. Alors, il n'y a pas forcément de lien direct, puisque ce sont des jeux qui sont très différents. Hein. Outward, c'est vraiment gameplay first, Plague, c'est vraiment... narration narrative. D'abord, c'est narrative first, comme on dit, et en fait, moi, c'est juste que j'ai eu le visa au Canada, et donc je suis rentré, et donc finalement, je me suis retrouvé à Sobo, j'ai bossé sur Plague. Au début, je devais bosser sur Flight d'ailleurs, mais finalement, j'ai bossé sur Plague, et je devais même pas faire ça, et en fait, en arrivant, on m'a dit, bah, finalement, tu vas t'occuper des boss, les boss, c'est toujours un sujet qui est un petit peu délicat, parce que c'est très peu de temps de jeu pour beaucoup de moyens investis, et ça doit marquer quand même des climax un peu scénaristiques et le gameplay. J'ai travaillé sur les deux boss que sont Nicolas et Vitalis. On a passé beaucoup de temps à s'occuper de ça. Il a fallu défier un petit peu les systèmes qui avaient été mis en place, parce que une fois de plus, les boss représentant des formes de climax, et ben, souvent tu pousses les limites de tes propres systèmes, que ce soit le système des rats avec Vitalis, que ce soit le système de l'intelligence des ennemis avec Nicolas, où il a fallu faire un comportement complètement différent, en fait, que les gardes normaux, quoi. Okay. Voilà. Et ensuite, tu bosses sur Microsoft Flight Simulator, finalement. Est-ce que ce n'est pas l'expérience la plus importante pour Hectic? Parce qu'il y a quand même dans l'histoire la gestion d'équipe qu'on ne retrouve pas auparavant. Oui, alors. Quand je suis rentré, peu de temps après être arrivé sur Flight Sim, j'ai eu la responsabilité de monter l'équipe de contenu et de la diriger, et qui a grossi. Et c'est aussi là où j'ai rencontré mes futurs associés avec lesquels j'ai monté. Mm-hmm. Et Flight Sim, ouais, on est sur des budgets plus gros, sur un jeu qui a énormément d'envergure, la planète entière, etc., etc. Très joli jeu de mots avec les avions. Oui, involontaire. Mais ça n'en est pas moins vrai, c'est-à-dire que on est sur du gros jeu et on travaille pour un gros client, donc Microsoft. Donc il y a un niveau d'exigence qui est un petit peu différent, il y a beaucoup de problématiques techniques à résoudre et design aussi, mais sur d'autres aspects que sur lesquels j'ai l'habitude de travailler, parce que là c'est d'autres niveaux techniques, c'est d'autres niveaux d'exigence, c'est d'autres niveaux de scope d'une manière générale. Et ça demande aussi une autre approche du design, parce que c'est de la simulation. Et donc, cette approche demande d'avoir une bonne connaissance et donc un bon apprentissage du sujet, qui, en l'occurrence, là, est l'aviation, le pilotage, qui sont des milieux qui sont extrêmement profonds. Et tu tires une ficelle, tu n'as jamais fini, quoi. L'aviation, c'est à la fois de la défense, c'est de l'histoire, c'est de l'ingénierie, c'est de la technique, c'est une histoire humaine. Enfin, c'est immense comme sujet, l'aviation. Donc Flight Sim, ouais, c'était un gros sujet. J'ai dû bosser dessus pendant presque 4 ans, y compris sur celui qui est sorti récemment, puisque on a quitté à Sobo entre temps avec mes associés pour monter Hectic. Bah justement, comment vous est venue cette idée de fonder un nouveau studio indépendant, de partir dans l'indépendant ? Je pense qu'il y a une volonté quand même de faire ses propres jeux et donc d'indépendance créative de la part de tout le monde. Une vraie volonté de voir autre chose aussi, parce que Flight Sim, c'est un jeu service, c'est-à-dire que ça n'a littéralement pas de fin. Ça peut ne pas en avoir quand tu décides de reproduire la planète, si tu veux. Mm-hmm. Et voilà, c'est infini. Donc, on a aussi envie de faire autre chose à ce moment-là, bien qu'on soit très fiers du jeu de Flight, qui est une expérience unique. Je pense aussi qu'il y a une volonté de se frotter un petit peu à d'autres problématiques qui relève au-delà du développement de jeux vidéo, mais bien de la construction d'une équipe, d'une boîte, de ce que ça implique, du marché, etc. Il y a beaucoup de challenges qui sont inhérents à la création d'une boîte, que ce soit dans le jeu vidéo ou en dehors. Est-ce qu'on peut présenter cette équipe qui constitue Actic ? Vous êtes 5-6, je crois, chez Actic ? Alors, actuellement, on est 5. Il y a donc les 4 associés. Donc il y a moi qui suis au design, il y a Selmar et Romain qui sont à la technique, donc qui sont prog, il y a Luca qui est principalement business mais qui est tech artiste de formation, et il y a Ilan qui nous a rejoint qui est VFX artiste, qui est notre premier CDI. Donc ça c'est pour l'équipe, et on a bossé avant avec d'autres CDD. Donc il y a Hugo qui est à la com, il y a Katia qui était au art, etc. Laszlo qui est à la prog, enfin voilà. On a eu un petit peu de rotation, mais comme on n'a pas trouvé d'éditeur, on n'a pas pu renouveler les CDD et on a décidé de partir en solo. Donc voilà. Et donc, vous êtes parti pour Los Pingueros. Comment on en est arrivé à ce projet Los Pingueros, qui est quand même très différent de ce que toi et peut-être tes collègues avaient développé, notamment chez Asobo ? Los Pingueros, ça vient d'une idée que j'ai eue pendant juste peu avant le confinement, je pense. Moi, j'aime beaucoup cet esprit Nintendo. Donc, on parlait tout à l'heure de Mario Kart. Et il y a un peu de Mario Kart dans Los Pingueros. Il y a des items, tu tires dessus. C'est pas un jeu de course, hein. Et ça aurait pu en être un. Et donc, il y a vraiment cette volonté de retrouver cette expérience coach co-op, la pizza autour du canapé. Même si on l'a développé aussi pour le online, hein, bien sûr. Mm-hmm. Et donc... Et quand on a décidé de monter Actic, moi, je suis venu déjà avec cette idée et un prototype que j'avais développé avec une autre personne, mais qui finalement ne voulait pas se lancer dans l'aventure. Okay. Donc, moi, je suis arrivé avec le proto et les autres gars étaient chauds. On dit, OK, on va faire ça. On part là-dessus. Et donc, c'est comme ça qu'est né Actic avec Los Pingueros en son sein. Los Pingueros et Actic sont vraiment liés entre eux ? C'est-à-dire que les deux ont vraiment été créés de manière concomitante ? Pingueros a été créé un peu avant, quand même. Okay. Pingueros a été créé avant, on avait un proto un peu solide au moment où Luca, Selmar et Romain ont commencé à discuter sur le fait de partir. Et moi, voilà, on avait ce proto-là, on pouvait le reprendre. Bon, finalement, ils ont décidé de tout recoder. Bon, parce que ça... C'est eux qui sont à la direction technique, donc c'est leur choix technique qui prime sur les miens, parce que le premier proto était sur Unreal, là Los Pingueros s'est fait avec Unity. Bon, ouais, c'est quand même, Los Pingueros a permis la transition de Asobo vers Actic en tout cas. Quel est le concept du jeu, Los Pingueros ? Pour ceux qui jeu de bataille de boules de neige. C'est un jeu de bataille de boules de neige avec des pingouins, ça se passe au Mexique, pour mélanger un petit peu l'aspect froid de la neige et de la bataille de boules de neige avec l'aspect beaucoup plus chaleureux que tu peux retrouver au Mexique, qui est très musical. Et finalement, ce côté qui va très, très bien avec les jeux de ce genre-là, dans des genres très colorés, quoi. Quelque part, quand tu veux faire une bataille de boules de neige dans un mode un petit peu brawler party game, c'est quand même bien de la colorer parce qu'il y a tout cet aspect festif qui va avec. Donc, le Mexique s'y prêtait bien. Alors, il s'y prête bien au niveau musical, mais il y a aussi quelques références culturelles, je trouve, aussi, dans l'architecture de certains niveaux. Il y a quelqu'un de l'équipe qui s'est rendu au Mexique, qui a peut-être cherché de la documentation pour aboutir à quelque chose qui ne soit pas juste de la référence culturelle pour de la référence culturelle ? Non, moi, j'ai vécu là-bas. D'accord. Moi, j'ai vécu là-bas à l'époque où je travaillais au Canada. En fait, je faisais du télétravail l'hiver au Mexique. Et après, j'ai passé plusieurs mois entre Bordeaux, donc où se situe Asobo Actic, et Nine Dots, donc à Québec. Donc, et donc, ça vient un peu de là, c'est-à-dire que j'ai un peu mixé le Canada et le Mexique. Et c'est un peu une lettre d'amour au Mexique dans un genre de jeu qui me plaît. Enfin voilà, c'est un peu tout ce mix-là qui a donné lieu à Los Pingueros. C'est c'est un peu autobiographique du coup. Alors pas dans les intentions de gameplay, mais en tout cas dans l'univers. Bah je pense que enfin quelque part quand tu veux faire de la quand tu veux avoir une forme d'indépendance créative, c'est aussi pour parler un petit peu de ce dont tu as envie ou besoin de parler. Et donc je pense que Los Pingueros c'est pas un jeu qui dit grand chose sur l'âme humaine, sur la politique, sur tout un tas de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux indés qui le font et ils sont pas indépendants pour rien. Et donc, même si moi, à mon échelle, je ressentais pas le besoin de parler de beaucoup de choses, mais en tout cas, j'avais envie de faire une petite lettre d'amour au Mexique. Voilà. Et donc, ça s'inscrivait dans Los Pingueros. Alors moi j'ai découvert Los Pingueros à la Paris Games Week, j'ai eu l'occasion d'y jouer, j'avais eu l'occasion de parler de cela avec notamment Alexandre Clément qui tenait le stand de Toads of the Bayou, mais là on était sur un jeu on va dire un petit peu plus solo, comment ça marche les expériences multijoueurs dans ces grands salons? Est-ce que c'est difficile d'avoir des bons retours de joueurs lorsque l'on est dans des grands salons où justement le public se renouvelle très régulièrement? Tu peux pas avoir toute forme de retour en fait. C'est-à-dire que bon, l'idée derrière le Spingeros, c'est est-ce que les gens s'amusent quand ils prennent la manette, à quel point est-ce qu'ils vont s'amuser vite, à quel point est-ce qu'ils vont vouloir en faire une autre. Est-ce qu'on arrive à faire jouer un enfant avec ses parents parce que c'est un jeu qui est familial, et ça c'est des choses que tu peux très vite voir en fait quand même. Y a des groupes d'amis qui viennent, des filles, des garçons qui jouent ensemble à 4, qui se tirent la bourre, qui rigolent, ça marche, tu vois. On voit des mômes qui se prennent une pâtée par leurs parents, on voit que les parents sont contents, on voit que les mômes sont contents aussi, ça marche. Un peu. Donc, moins c'est... les mômes hein, je pense hein. ouais un peu moins, mais ils arrivent quand même à retourner des boules de neige aussi, donc tu vois, de ce point de vue là ça marche, et c'est un peu ça que tu vas venir tester quelque part, parce que je trouve que la corollaire un peu de ta question, c'est je trouve que c'est très difficile d'apprécier une expérience solo avec un univers profond, une ambiance par exemple qui va être un peu dark dans un salon. Je trouve que vraiment c'est très difficile de s'isoler en fait pour avoir une expérience solo, là où une expérience multi dans un salon, je trouve que ça marche toujours bien, les gens viennent souvent entre amis, tu vois. Je suis d'accord, mais l'expérience multi, pour moi, est peut-être plus éphémère que l'expérience solo, parce que les démos solo peuvent durer 20-30 minutes. Là, Los Pingueros, on est sur des parties beaucoup plus courtes qui peuvent durer 2, 3, 5 minutes. Donc, voilà, c'est surtout ça l'essence de ma question. Ok, mais alors dans ce cas, après, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur des choses à faire en coop. C'est-à-dire qu'il va être nécessaire d'être plusieurs pour... aller vers des objectifs. Donc, dans Los Pingueros, on a créé des challenges que tu dois faire en temps limité pour obtenir des médailles et débloquer le challenge suivant. Et on a vu des gens à la Paris Games Week mais se taper tout l'après-midi et revenir le lendemain pour essayer d'avoir la médaille d'or. C'est là que je me suis dit, la médaille d'or, elle est peut-être un peu trop dure à avoir quand on est quatre. mais du coup, ça marche quand même aussi dans ce sens-là, tu vois. Si tu mets de la coop, en fait, je pense qu'à un moment... les gens, ils en ont un peu marre de se taper dessus, et c'est pour ça qu'avec Los Pingueros, on offre un peu les deux expériences. Au-delà du fait, en plus, qu'on a des équipes, tu peux jouer en équipe et te taper dessus en équipe, quoi. Ce qui est quand même pile entre les deux, pour le coup. On parlait des inspirations, on a parlé de Mario Kart, il y a une autre inspiration, c'est Crash Bash. Mais dans une précédente interview, tu parlais de Splatoon. J'ai été très curieux de savoir pourquoi Splatoon. Ah bon, j'ai parlé de Splatoon, ouais, c'est possible, hein, parce qu'il y a toujours cet esprit de tir. Alors toi ou un de tes collègues, mais en tout cas c'est Splatoon possible. Avait été évoqué. Ouais, c'est possible, parce que il y a ce côté tir qui est, même si le gameplay ne repose pas sur la visée, hein. Le gameplay repose davantage sur du timing, d'ailleurs on a une aide à la visée, sauf au PC, si tu joues avec une souris, t'as pas d'aide à la visée, c'est très précis déjà. Mais donc il y a ce côté-là. Il y a des modes de Splatoon comme le Salmon Run qui était dans Splatoon 2, qui donc bon c'est du tower defense, mais donc c'est de la coop. Mais surtout il y a ce côté team et affrontement en fait online qu'on a aussi dans Los Pingueros. On a mis du quick match qui est pas vraiment du rank match. On a une petite base de ranking qu'on pourrait développer si les gens aiment ça. Mais je pense qu'il y a toujours cet esprit coloré, un peu farceur. Il y avait des features qu'on n'a pas développées qui se rapprochaient de ça avec la neige. Le fait de pouvoir plonger dans la neige, ressortir, etc. Un peu comme dans Splatoon, tu sais, il plonge dans la peinture. Oui, oui, je vois. Et finalement, on l'a pas développé. Mais en tout cas, ça a été une inspiration sur la forme de l'expérience compétitive, plaisante, un peu infantile, pas infantile, mais un peu aussi pour les enfants, en tout cas tout public. Je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Alors évidemment, les arènes sont différentes. Comment on imagine justement ces arènes? Comment on imagine la taille? Comment on imagine l'architecture? C'est-à-dire comment on va habiller l'arène? Comment on imagine aussi les événements? Il y a par exemple un gros poisson dans une des arènes qui va parfois sortir la tête de l'eau et détruire quelque peu la carte. Comment justement on imagine ces différents lieux? Alors. Une des particularités de Los Pingueros, c'est qu'en fait, le sol se détruit et se reconstruit en permanence. Donc, quelque part, le level design et même pas mal de systèmes sont contraints à cette fonctionnalité. Mm-hmm. Donc, en fait, tout ont un point commun, c'est-à-dire que la taille, en fait, déjà, elle va être évolutive, notamment en fonction du nombre de joueurs. Plus il y a de joueurs, bah, plus il va y avoir de construction. Donc, on a des arènes qui commencent avec une taille qui est plus grande que d'autres plus petites. Notamment la première, le Bandolone, c'est une arène qui est bien à 4, à 8. On est un peu serré au début, quoi. Et puis, l'idée, en fait, c'est d'essayer d'amener un type de gameplay qui va être un petit peu particulier pour chaque arène. Tu vois, ça pourrait être, par exemple, le fait de jouer en groupe, le fait de se cacher, le fait de tirer de loin, le fait de laisser les items à des endroits précis au lieu de des endroits random pour créer des zones d'intérêt, donc qui va forcer un peu de conflit. Et tout en essayant toujours d'avoir un petit truc marrant qu'on va régler. Alors le requin, c'est quelque chose qui vient viser aléatoirement les joueurs ou de temps en temps qui vient viser celui qui est en tête. Ah oui, histoire de créer, d'accord. Ouais, histoire de créer la carapace enfin, bleue de Mario Kart, et là Ben voilà, mais en fait, si tu veux, derrière ça... Et je trouve que c'est quelque chose qui est très très dur à régler dans un jeu multi. Si tu veux pas que tout soit basé uniquement sur les skills pour que des gens qui ont un niveau différent puissent s'amuser entre eux, il faut quand même que t'aides un petit peu les derniers, il faut que tu les pousses un petit peu. Et ça marche aussi en nerfant un peu le premier. D'accord, intéressant. Donc c'est quelque chose qu'on a fait dans Los Pingueros parce que on veut qu'il y ait un petit peu de chance, on veut qu'il y ait quand même des retournements de situation. Et c'est pas comme Street où si vous êtes quatre à faire tourner une manette et qu'il y en a un qui est plus fort que les autres, il va vous mettre une dérouillée et en fait lui va jamais lâcher la manette. L'idée derrière c'est pas ça, tu vois. L'idée c'est que le gagnant il puisse changer, qu'on puisse changer les équipes, qu'on puisse jouer en équipe donc pour les changer, etc., pour équilibrer et que les niveaux et les mécaniques qui sont dans ces niveaux puissent un petit peu aider les perdants à remonter un peu la pente, quoi. Ok, donc on crée artificiellement d'une certaine manière des handicaps ou au contraire des aides pour les joueurs en fonction de leur classement. Intéressant ça. Oui, c'est quelque chose. Bah, c'est quelque chose qui, typiquement vient de Mario Kart. Enfin, pour moi, ouais. Vient de Mario Kart. C'est ouais. J'imaginais pas ça dans un party game de ce style-là. Bah parce qu'il est compétitif, mais mais c'est vrai que c'est quelque chose. C'est pour ça qu'on est pile entre le brawler et le party game. C'est-à-dire que c'est de la baston, mais il y a quand même un côté très événementiel du party game où tu as des items et puis aussi le côté multi-genre de jeu, tu vois, on a mis beaucoup de genres de jeu pour que tu puisses jouer aussi de différentes manières. On a inclus c'est pas un foot mais une sorte de hockey sur glace, on a oui, inclus des King of the Hill, on a inclus plein de trucs un peu différents. Alors il y a un truc que je n'ai jamais trop évoqué dans Indie 500, c'est le son, et là on est sur un cas assez particulier avec les party games. Comment on gère le son dans les party games? Parce que justement, il y a énormément de sons à gérer. Les sons des personnages qui sont poussés dans l'eau, les différents tirs des armes ou des boules de neige, le cas échéant, des différents bouleversements qu'il peut y avoir à cause, par exemple, du requin qui peut arriver. Comment on fait pour gérer justement ce son sans que celui-ci soit trop perturbant pour le joueur ou la joueuse? Avant même de parler du son, c'est un des gros sujets des jeux dans lesquels tu peux jouer à 8 en même temps sur le même écran, c'est effectivement la lisibilité. Et donc ça va, le son vient baquer cette lisibilité quelque part. C'est-à-dire, visuellement, il faut décider de ce qui est important ou de ce qui ne l'est pas. Et donc, par-dessus, tu rajoutes ta couche sonore. En tout cas, c'est comme ça que nous, on a procédé. Si vous êtes tous sur le même écran, ce sera chaotique et ça, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais ce sera quand même inévitable. Si par contre vous êtes deux sur ton canapé et deux sur le canapé d'en face et que vous jouez online, déjà la caméra n'est pas la même parce qu'elle n'a pas besoin de prendre en compte tous les joueurs. Donc tu t'évites énormément de visuels inutiles et donc par conséquent aussi de sons inutiles. Donc quelque part pour avoir une expérience un petit peu plus technique, il vaut mieux jouer en online, un peu plus chaotique et un peu plus fun si on aime le chaos. Si pour vous le chaos c'est synonyme de fun, bien sûr sur le canapé tous ensemble c'est toujours plus sympa. Et donc les sons va avec ça. C'est-à-dire vraiment, on a vraiment privilégié ce qui nous semblait être important à savoir pour le joueur. Donc y a, si tu veux, je peux te donner une échelle parce que c'est une échelle qu'on a faite. C'est-à-dire la première chose c'est, ah ouais bien sûr, la première chose c'est où est-ce que je suis déjà, c'est le plus important. Est-ce que je suis en danger? Ça, c'est le deuxième plus important. Est-ce qu'il y a une opportunité à côté de moi? Et quel est mon classement d'une manière générale? En gros, c'est un petit peu l'échelle. Et où est-ce que je suis quand on est 8? C'est pas si simple. Quand on est 8 et que le sol se détruit, donc que tu as des spawn points qui sont variables, c'est comme ça qu'est née en fait la feature du fantôme. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où tu meurs, on garde ton fantôme affiché, on fait déplacer ton fantôme jusqu'à ton prochain spawn point qui évidemment est dépendant de la construction actuelle du niveau. Mmh. Et c'est là où on te fait spawn. Comme ça, tu as un fil continu avec ton personnage, même si tu n'es pas en train de jouer. Ça, c'est un truc qui a demandé beaucoup d'itérations. Et pour rebondir un petit peu sur les feedbacks des joueurs, c'est des choses qu'on a très vite perçues, c'est qu'ils étaient perdus une fois qu'ils étaient morts. Mmh. Donc, c'était un des gros sujets de travail, par exemple. Une dernière question sur le multijoueur, puisque le jeu est en local, le jeu est en ligne. Comment ce multijoueur est géré? Est-ce que votre expérience sur notamment Microsoft Flight Simulator, pour des personnes de l'équipe, vous a aidé justement à concrétiser le multijoueur de Lost Pingeros? Oui, alors oui. Comment il est géré? C'est une sous-couche online qui s'appelle Photon, okay. Qui est une sous-couche de Unity, un middleware qui se plaque à Unity. Et oui, leur expérience de online les a aidés, mais si tu veux, les problèmes quelque part, c'est ils viennent des trucs qu'il faut empêcher, qu'on veut empêcher le joueur de faire. C'est-à-dire tout ce qui va être les déconnexions, les reconnexions, les flows online, etc. C'est pas tant le jeu online en lui-même qui est chiant à gérer, c'est vraiment tous les edge cases, tous les cas qui vont derrière le matchmaking et tous ces trucs-là. Et c'est des sujets de Flight Sim. Ce sont des sujets de Flight Sim sur lesquels Romain et Selma ont déjà bossé. Oui. Mais d'une manière générale, un gros projet, c'est plus de moyens, mais c'est aussi beaucoup plus de problématiques parce qu'il y a beaucoup plus de gens, il y a beaucoup plus de risques d'erreur. Nous, on a une... À 4-5, on peut trouver d'où viennent les problèmes plus vite parce que le jeu est plus petit. Tu vois, le scope est plus petit. Donc voilà, c'est deux vitesses différentes, c'est des scopes différents. C'est vraiment deux manières différentes de bosser, quoi. Je ne sais pas s'il y en a une qui est plus facile que l'autre, franchement. La suite, après développer Lost Pingeros, est-ce que c'est peut-être de rajouter des cartes supplémentaires, peut-être de rajouter des DLC, ou est-ce que déjà, comme tu le disais un petit peu au début de l'interview, on réfléchit à d'autres prototypes et à d'autres projets? Alors, les deux. C'est-à-dire que... on est en train de réfléchir au prochain projet, ça c'est une certitude. Dans le Spingeros, on a la possibilité d'ajouter du contenu assez facilement. C'est un jeu qui est très systémique, on peut rajouter des custos, des modes de jeu, des maps assez facilement. Et si la communauté, les joueurs le demandent, ça sera vraiment un plaisir de le rajouter, quoi. Mais évidemment, ça va être impacté aussi quand même par le nombre de ventes, etc. Donc, il faut voir si on continue de mettre du temps et de l'énergie dans ce projet ou si on passe complètement au suivant. Les deux sont envisageables. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le suivant est déjà sur la table et on commence à brainstormer cette semaine pour choisir une direction, quoi. Eh ben, bon courage pour le brainstorm. Merci beaucoup. On termine par une dernière question qui est la recommandation. Sven, une recommandation d'un jeu qui est sorti récemment, qui va bientôt sortir, qui est peut-être fait par des copains bordelais ou peut-être d'autres régions de France, ou un jeu qui t'a plu récemment que tu as fait. Quelle serait ta recommandation? Alors, j'en ai deux. Parce que j'en ai une qui est faite par des copains et une auquel j'ai joué dernièrement. Donc, une qui est faite par des copains s'appelle Quadricolor, et donc c'est un jeu multi à 4, très très nerveux, dans lequel on peint des cases de couleurs. Donc lui, il est, pour le coup, c'est Splatoon, Splatoon en 2D, voilà, qui est très cool. Et pour l'un des derniers jeux auxquels j'ai joué à Rise of the Golden Idol. Est-ce que tu vois ce que c'est ? Oui, oui, la suite de The Case of Golden Idol. Oui. Voilà. Absolument. Donc, qui n'a rien à voir avec le genre de jeu dont on a parlé pendant toute cette émission, parce que c'est un jeu d'énigmes, puzzle game un peu, mais qui est très très bien fait. Et voilà. Et en ce moment, j'ai joué à ça avec ma copine, et franchement, c'est top. Eh ben, merci beaucoup pour ces deux recommandations. Quadricolor, je crois qu'il n'est pas encore sorti, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il est sorti. Il est en early access. Ah, il est en early, oui, il est en early, effectivement. Il n'est pas encore. Il n'est pas encore en 1.0 d'une certaine manière. Sven Mestas, grand merci d'être passé dans Indie 500 pour parler de Los Pingueros. C'est un jeu développé et édité par Actix, ça coûte 9,75€. Et tu es le cofondateur et le lead designer du studio, mais aussi lead designer de Los Pingueros. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter ? Amusez-vous bien. Quoi que vous jouiez, quoi. Amusez-vous bien, c'est fait pour. C'est un bon message de fin. Merci encore d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir écouté. Vous nous retrouvez bien sûr sur toutes les plateformes de streaming. Vous retrouvez également les épisodes sur YouTube. Si jamais vous voulez soutenir cette initiative Indie 500, il y a une page Patreon. Elle sera dans la description. Description dans laquelle vous retrouverez également un trailer de Los Pingueros, mais aussi le lieu pour wishlist le jeu. D'ici là, portez-vous bien, merci à tous et à toutes une nouvelle fois de nous avoir suivis, et rendez-vous très bientôt pour un nouveau Tour de Piste.